La Corée a terminé les préparatifs de l'ouverture des installations d'enseignement et des centres de services de l'avenue du Myon. Tous leurs équipements, meubles et articles y sont disposés. Parallèlement, une centaine de centres de services ont fini la procuration et l'étalage des marchandises et ils sont prêts à commencer leur travail de ravitaillement envers les habitants avec l'inauguration de l'avenue du Myon. Les installations d'enseignement, les magasins et les restaurants de l'avenue du Myon attendent le jour de l'inauguration.